Bonjour, Valérie Levé au microphone sur CKRL 89.1 et c'est l'heure de se mettre un peu de science dans les oreilles avec Futur Simple. Un peu de science et de technologie, puisqu'à 18h30, il sera question du coût environnemental de la technologie numérique. On en parlera avec Martin Deron, qui est responsable du défi numérique à chemin de transition à l'Université de Montréal, et également doctorant sur ce même sujet à l'Université Concordia. Mais pour le moment, on part à la forêt Montmorency, chercher des pistes d'animaux, et on y va avec André Desrochers, professeur en écologie et en conservation à l'Université Laval. Bonjour André. Bonjour Valérie. Alors, je crois que vous êtes allé faire un tour à la forêt Montmorency cette fin de semaine, justement, chercher des pistes d'animaux. Absolument. Ça a lancé la saison d'hiver 2025 pour notre projet là, de pistage. Mm-hmm. Et puis, ça a été une très belle journée hivernale. Il tombait un petit peu de neige, peut-être un peu trop à notre goût, mais c'était des belles conditions pour être dehors puis profiter de la nature. Alors, qu'est-ce que vous avez vu comme pour nous mettre un petit peu en appétit? Qu'est-ce qu'on peut voir comme piste d'animaux à la forêt Montmorency? En fin de semaine, on a vu 4 ou 5 espèces, j'imagine, surtout des lièvres, hein, puis des mm-hmm. écureuils. Les gens qui vont en forêt seront pas surpris d'entendre ça. Là. C'est des animaux qui laissent beaucoup de traces. Ouais. Mais on a eu une piste d'orignal, une piste de vison, mm-hmm. tétra, ou gélinotte, une martre. Mm-hmm. Puis aussi, le clou de la journée, c'était une belle glissade, une glisse de loutre. Ah oui? Ouais, la rivière qui est à la décharge du lac Piché, là, pour mm-hmm. ceux qui connaissent la forêt Montmorency. Donc, ça a fait le plaisir de tout le monde. Ben oui, alors en fait, si vous êtes allé chercher ces pistes, c'est pas seulement bon, pour faire une balade en forêt, mais c'est dans le cadre d'un programme de surveillance hivernale des mammifères et d'oiseaux à la forêt Montmorency. Alors, c'est quoi ce programme? C'est un programme qui a débuté en 2000. En fait, j'avais un étudiant à la maîtrise, Bruno Drelet, qui était un amateur de ski de fond à l'époque, qu'il doit l'être encore aujourd'hui, qui allait faire du ski de fond régulièrement à cet endroit-là, puis avait remarqué qu'il y avait beaucoup de pistes d'animaux. Et on avait à notre disposition des GPS. Il faut se rappeler mm-hmm. qu'en 2000, des GPS, c'était pas monnaie courante. Ouais. Mais nous, on avait cet équipement-là, puis on avait décidé donc de géolocaliser, c'est-à-dire de prendre des points donc précis sur la carte là, de toutes les pistes d'animaux qu'on rencontrait lors de nos déplacements. Puis là, a germé l'idée de faire un projet plus à long terme pour surveiller donc les populations de mammifères là, de la forêt Montmorency. Mm-hmm. Donc, vous voulez les voir, ces populations de mammifères, c'est-à-dire faire comme un inventaire? C'est quoi l'objectif? Parce que j'imagine aussi que plus on y va, plus on va en voir. Donc, il faut avoir un espèce de protocole pour pouvoir comparer d'une année à l'autre. Exactement. Alors, le but général, évidemment, c'est mieux comprendre qu'est-ce qui se passe avec nos mammifères qui passent l'hiver dans cette région-là. Il faut comprendre que la forêt Montmorency, c'est la forêt d'enseignement et de recherche de l'Université Laval. Mm-hmm. Donc, il y a une mission, là, puis on veut voir les impacts, entre autres, des aménagements forestiers, là, des coupes qu'on effectue. Des fois, il y a des coupes totales, il y a des coupes partielles. Bon, il y a tout un jargon là-dedans, là, mais on est capable donc d'associer sur la carte des endroits où il y a eu différents types de coupes dans le passé, plus ou moins lointains, avec l'abondance des différentes espèces qu'on relève là, avec nos mesures de pistes. Mm-hmm. Puis comme tu le mentionnais, l'effort est crucial là-dedans. Il faut comprendre que si on a fait un relevé de 4 km, ben, on va voir 4 fois plus d'espèces que si on fait, mm-hmm. pas d'espèces, mais de pistes, que si on fait un relevé d'un seul kilomètre. Mm-hmm. Oui, puis s'il y a 50 personnes qui vont voir, qui vont chercher des pistes, s'il y a une personne, ben, c'est pareil, on va voir plus de pistes. Donc, j'imagine qu'il doit y avoir un protocole pour pouvoir avoir ramener les nombres de pistes qu'on ramène au nombre de personnes, au nombre de kilomètres parcourus, année après année. Exact. Ouais. Mm. Puis, on a un protocole qui est assez détaillé. On essaie de le maintenir quand même le plus simple possible pour que le projet soit attrayant pour les gens sur le terrain là, qui récoltent des données. Donc, mais essentiellement, c'est ça. On a ce qu'on appelle des transects, en fait, qui sont des tracés sur la carte qui sont prédéterminés, mm-hmm. puis qui sont en plein sous-bois. Prédéterminés en fonction de quoi? En fonction pour être équidistant, pour représenter différents types d'habitats? Oui, c'est ça. C'est une grille systématique sur la carte. C'est-à-dire qu'à chaque kilomètre, on a un point sur la carte duquel on part un relevé. Puis on fait des segments rectilignes de 500 mètres. Et puis, donc on en fait autant qu'on peut dans la journée, là. Mais on a vraiment une ligne sur la carte, littéralement, qu'on essaie de suivre le mieux possible en raquette. Alors, je te dis pas les défis que ça peut amener, parce que la forêt est quand même assez dense. Mm-hmm. Puis, des fois, y a un ravin, y a un bosquet très dense, et si etc. S'il y a un ruisseau à traverser. Ben voilà. Alors, toutes ces choses-là, ça rend la journée intéressante. Là. Alors, c'est pas juste une expérience scientifique, c'est une expérience, je dirais, de vie, quelque part, d'aventurier. Là. Mais qui va faire ces observations-là? Alors, au début, on était juste un petit groupe là, de gens intéressés, là, il y a une vingtaine d'années, mais se sont greffés à ça un paquet de bénévoles. J'ai pas le chiffre exact, mm-hmm. mais on doit avoir eu une centaine de personnes au moins mm-hmm. qui sont venues faire des relevés avec nous. Là. La plupart du temps, des bénévoles, des gens qui ont différents degrés d'expertise là-dedans, d'expérience, mais le projet, il est conçu pour donc accepter, si on veut, une gamme de gens. En fait, mon rêve, ça serait d'avoir un système de sciences participatives ou de mm-hmm. sciences citoyennes un jour là, pour le Québec, où les gens pourraient avoir une application qu'ils téléchargeraient et avec laquelle ils pourraient partager leurs observations. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais évidemment, il y a toute une question de validation des données qui deviendrait importante à ce moment-là. Mm-hmm. Un peu comme eBird, hein, dont on a déjà parlé là, avec les oiseaux. Ça vient avec les projets de sciences participatives, là, toute cette question de la validité des données. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui coordonne? Parce que, bon, là, les gens peuvent bien dire, moi, je vais aller marcher tel transect, 500 mètres à tel endroit. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui coordonne pour que ce soit pas toujours le même transect qui soit suivi, pour que, finalement, tous les transects qui sont suivis ne sont pas dans le même coin de la carte? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Il faut que ça demande quand même la coordination, tout ça. Oui, oui, bien, quelqu'un, c'est la personne devant toi, là. Ouais, bon. Dans le cadre du projet La Forêt Montmorency. Donc, moi, je coordonne. À chaque année, je fais une espèce, dans le fond, un tri des sites ou des secteurs à couvrir cette mm-hmm. année dans un ordre de priorité. Et notre critère, c'est d'aller d'abord dans les sites qui n'ont pas été visités depuis longtemps. Mm-hmm. Donc, on ne veut pas avoir un suréchantillonnage dans certains secteurs puis un sous-échantillonnage dans d'autres secteurs. Donc, ça balance au fil des années. Et ça nous amène, donc, mettons que c'est le secteur numéro 33, ben on va au secteur numéro 33. Souvent, on va se rendre en motoneige parce que ça peut être à quelques kilomètres là, de l'accueil de la forêt mm-hmm. où on stationne notre automobile puis tout ça. Donc, on se rend en motoneige, on va parquer la motoneige puis on part en raquette de là. Okay. Donc, ça, c'est un peu la routine qu'on a qui assure une couverture donc assez égale de toute l'aire d'étude. Mm-hmm. Puis, effectivement, on s'assure de ne pas revisiter le même relevé, le même site plus qu'une fois dans l'année. Tout ça veut dire quand même faut savoir les reconnaître les pistes. Moi je vois bien des pistes des fois, mais a priori je saurais pas savoir si c'est un loup, si c'est un, je vais dire des animaux un peu au hasard, si c'est un loup, si c'est un lynx, j'en sais rien, une marthe, je sais pas ce que ça fait comme trace. Donc ça faut avoir une certaine connaissance quand même pour identifier ces pistes. Oui, ben ça dépend des pistes, évidemment. Les pistes de lièvre, la plupart des gens qui vont en forêt les reconnaissent puis ils font pas d'erreur, là. Mm-hmm. Mais ça devient assez subtil quand vient le temps de distinguer une belette d'une martre ou d'un vison. Mm-hmm. Alors là, il existe des guides d'identification donc pour nous aider à faire ce travail-là. Mm-hmm. Puis dans notre cas, je reviens sur la validation. Nous, maintenant, ce qu'on fait, c'est que on a une application sur le terrain qu'on peut utiliser avec un cellulaire, un iPhone ou Android mm-hmm. ou autre chose. Et puis, avec cette application-là, donc on saisit nos données, on voit une piste, on pèse sur deux, trois boutons sur l'écran pour dire c'était l'espèce, bon, voilà. Puis, on peut aussi prendre une photo. Donc, une photo de la piste. Et ça permet à des gens comme moi ou d'autres là, qui sont impliqués dans le projet de valider dans l'identification mm-hmm. qui est proposée. Un jour, on va peut-être même avoir l'intelligence artificielle qui va nous aider là-dedans. On n'est pas là mmh, encore, là, mmh. mais ça fait partie donc des moyens. Puis c'est ça. Donc, il y a vraiment différents niveaux de difficulté qui viennent avec... C'est comme les oiseaux, hein, encore mmh. une fois. Moi, j'ai le billet de l'ornithologue, là, parce que je passe plus de temps avec les oiseaux qu'avec les mammifères. Mais il y a des espèces donc pour lesquelles, après une journée de pistage, on devient assez bon. Mmh. Il y a d'autres espèces qui prennent des années avant... Alors, par exemple, pour identifier les pas à la touche, hein, les écureuils volants. Mmh. il y a des filles, là. Une trace de pas la touche versus une trace d'écureuil roux, c'est presque identique. Mm-hmm. Mais évidemment, des fois, on voit une trace où l'animal il est atterri là, d'un perchoir, il y a une trace qui apparaît de nulle part. Mais là, on sait que c'est un animal qui volait. Donc, il faut utiliser un peu son sens de détective, là, des fois, pour identifier. Et qu'est-ce qu'on en déduit comme information? Parce que, bon, on suit notre transec, on marche en ligne droite, on croise une piste. Qu'est-ce qu'on prend comme information? Est-ce qu'on dit là est passé un lièvre ou est-ce qu'on regarde aussi d'où il venait, vers où il va? Alors, le long des transectes, on fait juste un point qui dit ben, ici, il y a une trace de lièvre, par exemple. Puis, quand on reprend l'information sur notre cellulaire, ben évidemment, l'heure, la date, tout ça, puis les coordonnées géographiques sont enregistrées automatiquement. On n'a pas à rien saisir de ça. Par contre, on ajoute si l'animal, par exemple, si la piste était fraîche ou non. Mm-hmm. Donc, c'est un détail qui peut être intéressant là, à noter. Mais pour l'essentiel, c'est vraiment juste, il y a une espèce qui a laissé une trace à tel endroit, à tel moment. OK. Donc, où il va et d'où il vient, on ne regarde pas. On n'a pas, parce qu'on doit avoir envie de suivre la piste, en fait. Oui. Oui. Puis là, d'ailleurs, ça distingue, je dirais, le pisteur, là, un peu coureur des bois, le traditionnel, parce que le pistage, comme tu sais, c'est une longue tradition. Mm-hmm. Bon, les Premières Nations, les gens, donc des premiers peuples utilisaient ça, les coureurs de bois, etc., pour traquer les animaux, puis les capturer éventuellement et tout ça. Alors, il y a tout ce plaisir là, de découvrir ce que l'animal fait, et ça, il n'y a pas d'autre manière de découvrir ça que de suivre carrément la trace, évidemment. Donc, si je vois une trace de lynx, je peux me mettre à suivre littéralement la trace de lynx. Si j'ai mon GPS en main, mon cellulaire, par exemple, ben je peux donc noter en détail la ligne, hein, le tracé de la piste. Et ça peut nous informer sur le comportement de l'animal. Est-ce qu'il s'est déplacé en ligne droite? Est-ce qu'il explorait un secteur? Bon, des choses comme ça. Mmh. On a eu des études, d'ailleurs, qui ont été basées sur cette méthode-là. Là, j'ai quelques projets qui ont eu lieu dans le passé, où on a étudié la marthe en particulier. Mmh. On a pu, par exemple, déterminer que la marthe était en mode recherche beaucoup plus intense lorsqu'il y avait une abondance locale de pistes d'autres espèces comme le lièvre ou l'écureuil. Mmh. Parce qu'elle se promène un petit peu plus au hasard, ben, on a l'impression, ça nous donne l'impression qu'elle zigzague là, plutôt que d'aller en ligne droite. Voilà. C'est ça. Donc, un animal qui commute, comme on dit, ben, tu sais, ça veut dire qu'il y a pas, ça veut dire qu'il passe du point A au point B en ligne droite, mais on sait que c'est un animal qui sentait pas l'intérêt de chasser dans ce secteur-là. Ouais. Et ça se voit, c'est très, très évident. Là. Alors ça, c'est du pissage qu'on appelle à rebours là, dans le jargon. Et on le dit à rebours parce que si on voit une trace animale qu'on veut suivre, on va s'assurer de la remonter, entre guillemets, c'est-à-dire d'aller dans le sens contraire de la direction de l'animal. Mm-hmm. Donc de là où d'où il vient, vers là où il va. C'est ça. Si l'animal vient de la gauche, ben on va justement aller vers la gauche là, pour remonter à reculons, si on veut, son trajet. Parce que la raison, c'est que si l'animal est prêt, puis qu'on va dans la même direction que l'animal en suivant ses traces, on risque de le pousser, là, c'est-à-dire d'affecter son comportement. Ouais. Et là, ben, évidemment, ça va nuire à la qualité des données. D'accord. Donc là, j'imagine, vous êtes sur un transec, vous voyez une piste de lièvre. Puis, 10 mètres plus loin, il y a encore une piste de lièvre. Est-ce que c'est le même lièvre? Comment on le compte, celui-là? Ouais, 10 mètres, là, c'est assez limite pour le lièvre, je dirais. Pas. Il y a de bonnes chances que ce soit le même, là, mon intuition. Si c'était, par exemple, un lynx, je te dirais que c'est assurément le même, ou au bord d'un couple, possiblement. Là. La même unité sociale, on va dire ça. Là. Mais si on est rendu à 1 km, bien sûr, pour le lièvre, il n'y a pas de doute, c'est un autre lièvre à 1 km. Mais encore là, le lynx, ça pourrait être le même individu. Alors, il y a une question de domaine vital hein, de l'animal. On peut pas, évidemment, compter les animaux avec les pistes. Ce qu'on mesure, c'est l'utilisation du territoire par l'animal ou les animaux, et c'est tout. On va pas plus loin que ça. Il y a des méthodes, on n'ira pas là, mais dans le détail, mais il y a des méthodes qui nous permettent de mettre une probabilité à savoir si c'est oui ou non le même individu. Mais c'est compliqué. C'est assez compliqué. Donc, le pistage, on s'en sert pas pour faire des dénombrements précis. Mais c'est quand même un indice de population, le nombre de pistes. Hein. S'il y a plus d'écureuils un hiver, ben, il va y avoir plus de pistes d'écureuils. Mm-hmm. Alors, on s'en sert quand même de toutes ces données-là pour évaluer les populations, les hausses et les baisses là, des différentes espèces. Donc, c'est plus pour regarder l'utilisation du territoire, donc pour voir si à tel endroit, il y a des lynx qui viennent ou des lièvres qui viennent, et si à tel endroit, il n'y en a pas, par exemple. Par exemple, oui. Puis là, on peut faire toutes sortes de choses avec ça. Là. On peut, par exemple, voir est-ce qu'il y a une association entre là où on voit les traces de martres et là où on voit les traces d'écureuils. Ils sont prédateurs? La martre va prédater des écureuils? Oui, oui, absolument. Oui. Mais on pourrait se poser la question, est-ce qu'ils sont plus axés sur les écureuils que sur les lièvres, par exemple? Alors, on peut aussi poser cette question. Par contre, le grand inconnu dans tout ça, c'est les micro-mammifères, c'est-à-dire les rongeurs, les petits rongeurs, les mulots, comme on dit, hein, les souris, les campagnols, parce que, tout ça. Ils sont sous la neige, ils donnent pas de traces. Eux. C'est ça, ils mettent pas de traces parce qu'ils sont sous la neige, sauf rare exception. Puis, alors eux, c'est une grande inconnue. Là. C'est le chaînon manquant, si on veut, dans l'écologie des mammifères, là, à la forêt Montmorency. Au fil des ans, là, parce que ça existe depuis 2000, ce programme-là, donc au fil des ans, qu'est-ce qu'on voit généralement? C'est quoi que vous voyez le plus? C'est quoi qu'on voit rarement? En fait, on n'a pas tellement idée quand on se promène à la forêt Montmorency, on ne les voit pas, tous ces animaux, mais ils sont là. Oui. Donc, ce qu'on voit le plus... J'imagine que des fois, vous voyez les traces, mais vous les voyez aussi pour vrai. Oui, mais généralement, on est tellement focalisé sur ce qui se passe droit devant nous, à terre. On a les yeux rivés sur le sol. Donc, je suis sûr que je suis passé à côté d'un paquet d'animaux comme des lynx sans m'en rendre compte. Mais eux, ils vous ont vu. Mais eux, ils m'ont vu. Nous ont vu. Alors, ça, c'est clairement... je dirais, c'est pas un problème, évidemment, parce que notre but, c'est pas de voir les animaux, mais quand ça, c'est la cerise sur le gâteau. Hein. Mm. C'est du pisteur, on veut tous voir, surtout le lynx. Je pense qu'il est probablement la bête la plus charismatique là, l'hiver, là-bas, que je veux parler pour moi personnellement. Mais oui, c'est vrai, il y a des espèces comme la loutre que je mentionnais tout à l'heure, qu'on n'en voit même pas chaque année. Pourtant, il y en a certainement chaque année. Le wison, pareil. La raison, c'est que c'est des animaux, ces deux espèces-là, sont associés au milieu humide, hein, aux rivières, aux marécages. Là où il y a un petit peu d'eau libre, c'est là qu'ils vont se trouver. Puis nos relevés, nous, ils ne sont pas prévus pour couvrir les milieux humides en général. En fait, on est très rarement dans un milieu humide ou même près d'un milieu humide. Donc, on passe à côté littéralement là, de plusieurs pistes de ces animaux-là. Donc ça, c'est dans les espèces rares. Il y a des espèces qui sont difficiles à déterminer, comme le pékan. Il y a peu de gens qui connaissent le pékan, mais c'est un peu comme une martre sur les stéroïdes, un pékan, là, une grosse martre qui s'attaque au porc-épic, notamment. Donc ça, il y en a un peu. Des fois, on peut conclure que c'est un pékan parce que la taille des pistes est juste trop grosse pour une martre, mais elle a le même patron, si on veut. Ouais. Alors, l'épaule à touche aussi. Mais il y a plusieurs espèces dont on a peu de pistes d'une part parce qu'elles sont peu abondantes, mais aussi parce qu'elles sont très difficiles à identifier de manière positive. Et est-ce qu'on voit des fluctuations au fil des ans? Est-ce qu'il y a des années où on voit plus de lynx que d'autres, par exemple? On a eu, dans le cas du lynx, on a seulement une poignée d'individus. On a 66 km², ça peut apparaître quand même très grand, celle-là. Ben, c'est pas mal à parcourir quand même. Oui, effectivement. Mais au début, jusqu'en 2009, on avait, bon an, mal an, on avait des pistes de lynx un peu partout sur le territoire. J'imagine qu'il devait y avoir, sur les 66 km², entre 5 et 10 individus à peu près, seulement. Donc, c'est vraiment une poignée d'individus. Puis, après 2009, cette poignée d'individus-là s'est volatilisée. On a cessé de voir des pistes de lynx pendant plusieurs années. On s'est remis à en voir, là, récemment. Mais, donc, ça, c'est un animal qui a chuté, mais on peut pas vraiment parler de population de lynx, là. On parle vraiment d'une poignée d'individus. Par contre, les écureuils, eux, ils ont des grosses fluctuations. Et aux deux ans, à peu près, on a des hauts et des bas d'écureuils. Puis ça doit coïncider avec les années qu'on appelle semencières, c'est-à-dire les années où il y a des cocottes là, dans les arbres en abondance, dans les épinettes. Parce que là, j'ouvre une parenthèse... épinettes, sapins, des sapins, les cocottes des sapins se décomposent à l'automne, là, au début de l'hiver. Les écureuils, donc, ne les récoltent pas parce qu'ils sont déjà décomposés. Par contre, les épinettes ont des cocottes qui sont durables. Les écureuils les ramassent, puis ils vont les cacher. Et donc, ils vont profiter là, de l'abondance des cocottes et du coup, va se reproduire abondamment. Et l'hiver suivant, on s'attend d'avoir plein d'écureuils. Donc, ça, il y a un phénomène. Puis les années semencières, c'est... Grosso modo, c'est aux deux ans à peu près. C'est pas toujours le cas, là, mais c'est à peu près aux deux ans le cycle. Mais toutes les épinettes font leurs cocottes les mêmes années? Ils sont synchrones. Ah oui? C'est pour ça qu'on a des années... Pas parfaitement, là, mais ils sont assez synchrones. C'est pour ça qu'on parle d'années semencières. J'ai remarqué ça. L'orignal a augmenté à la forêt Montmorency depuis 2000, depuis donc 25 ans. Il a plafonné ces dernières années, peut-être même baissé un petit peu, mais ça inquiétait d'ailleurs les aménagistes parce que les orignaux font des ravages l'hiver là, dans des peuplements en croissance, là, donc vont endommager les pousses là, d'arbres. Et puis, mais c'est ça. Donc, il y a eu une augmentation assez nette de l'orignal. Puis, pour les autres espèces, je dirais que c'est au beau fixe, là. Il y a des variations assez fortes entre les années, mais il n'y a pas de tendance très, très lourde. Et est-ce qu'on peut voir, puisque c'est ça le but du programme quand même, c'est de voir s'il y a une fluctuation en fonction des aménagements forestiers, des aménagements sylvicoles. Est-ce qu'on voit une relation? Oui, ben il y a des choses évidentes. Hein. Les parterres de coupes récents, là, où ça a été bûché il y a 5 ans ou moins, ben, c'est des champs, hein, l'hiver, là, c'est couvert de neige. Puis à Forêt-Montmorency, c'est l'endroit où il y a les plus grands dépôts de neige là, dans le sud du Québec. Hein. Bon, il y a les Monts-Valin aussi, là. Mais cette région-là, pour les gens qui passent dans le coin, vous savez, souvent on part à Québec, il fait beau, puis on arrive dans le coin de la Forêt-Montmorency sur la route qui mène au Saguenay, là, puis souvent il neige. Le microclimat du commercier et la Forêt-Montmorency. Ouais, c'est comme les caps dans le coin de Mont-Saint-Anne. Après Mont-Saint-Anne, les caps, là, c'est un cauchemar, là. Puis donc il y a beaucoup de neige qui s'accumule. On peut avoir jusqu'à 2 mètres là, de neige par endroit, là, d'accumuler. Là. Donc ça fait. Ça complique les choses. Mais donc à ces endroits-là qui sont bûchés, est-ce qu'on voit plus de certains animaux ou... Oui, alors ben, en fait, ça m'amenait, c'est ça, j'avais un petit peu perdu mon fil, mais je le reprends maintenant. La neige, c'est un peu comme un ascenseur. Hein? Ouais. Il y a quelque chose, j'ai un étudiant qui a étudié cet aspect-là, et on a publié un papier assez fascinant sur le lièvre, et on a montré que le lièvre, à mesure que la neige devient de plus en plus épaisse, à mesure que l'hiver avance, le lièvre utilise d'autres endroits pour s'alimenter. Parce qu'il y a des branches qui sont pas accessibles aux lièvres au début de l'hiver, elles sont juste trop hautes. Mais là, quand l'ascenseur de la neige fait son travail, l'écureuil va devenir intéressé par des endroits qui n'étaient pas accessibles. Et au contraire, il y a des endroits où le feuillage était au ras-le-sol qui deviennent inaccessibles pour le lièvre parce qu'ils sont enfouis dans la neige. Donc, on a pu démontrer que avec l'accumulation de la neige, les animaux se déplacent, en tout cas, du moins le lièvre. Et puis, alors ça, c'était la première fois que ce phénomène-là était documenté. Donc, c'est un aspect-là, c'est pas en lien avec l'aménagement forestier en tant que tel, mais n'empêche que ça montre toutes les subtilités. Est-ce que ça veut dire que vous prenez des relevés de neige ou vous comptez sur les relevés officiels d'accumulation de neige? Les deux. Dans nos transectes, donc nos relevés rectilignes, à chaque 100 mètres, on prend une profondeur de neige. Ah oui. On note la profondeur. Donc, on a des milliers de points. Comme ça, parce que la neige est vraiment variable en termes de profondeur là, d'un endroit à l'autre, selon la topographie notamment. Donc ça, c'est pour le lièvre en fonction de la quantité de neige, mais sinon, est-ce que dans les endroits qui ont des pratiques sylvicoles particulières, est-ce qu'on voit certains animaux, par exemple? Ben, est-ce qu'on voit certaines densités ou... Je dirais que de manière globale, les coupes ont... Bon, il y a l'impact évident, comme je mentionnais, là, quand on bûche et que ça devient un champ de neige, ben là, il n'y a plus rien pendant le nombre d'années qu'il faut avant que ça repousse. Mais dès qu'il y a de la végétation qui ressort de la neige, là, donc dès que les arbres atteignent une hauteur, mettons, de 2 mètres, ben on voit tout de suite le retour de la faune, là, comme des espèces comme les lièvres, évidemment, mais aussi les martres. Puis, il y a une parenthèse à ouvrir sur la martre parce que c'est une espèce qui était réputée dépendante des forêts surannées, des anciennes forêts, les forêts très vieilles. Autrefois, dans les années 90, quand j'ai commencé ma carrière, là, c'était l'espèce emblématique des vieilles forêts. Or, ce qu'on découvre maintenant, c'est que non. La martre, il y en a un peu partout. Elle se retrouve aussi dans des forêts très jeunes. Dès qu'il y a de la nourriture, c'est-à-dire des lièvres en particulier, il va y avoir des martres. Donc, il n'y a pas un impact très, très... prononcé là, du rajeunissement des forêts là, sur la faune qui hiverne à la forêt Montmorency. Puis l'orignal, lui, tu vois, c'est un animal qui va profiter en fait des coupes parce que ça crée de la végétation qui est à une certaine hauteur accessible pour être consommée par l'orignal. Puis il emprunte les chemins aussi, l'orignal. Oui. Il aime ça, les chemins qui sont déjà tapés. Il adore, oui. Donc, si on parcourt un chemin en motoneige, on vient de faire plaisir à ben des orignaux. Ouais. Effectivement. Donc ça, c'est un moyen, c'est une autre façon d'aller en forêt, d'aller comme ça chercher des pistes d'orignaux, de sortir des chemins battus, parce que je comprends que les transects ne sont pas sur les chemins tracés. Donc c'est une autre façon de découvrir la forêt, à la forêt Montmorency. Exactement. Puis c'est ça, c'est de la vraie raquette. Là. Ouais. Alors, il y a des sentiers de raquette à la forêt Montmorency qui vont toujours rigoler un peu parce que dès dès qu'il passe quelques jours après la dernière portée de neige, les sentiers deviennent bien tapés. Ouais, c'est ça. En fin de semaine, en fait, tu vois, on a marché dans des sentiers de raquettes. J'étais en botte, moi, j'avais même pas de raquettes dans mes pieds, puis ça allait. Là. Mm. Mais les relevés qu'on fait hors piste, ben là, c'est très sportif. Là. Mm. Et est-ce que d'autres personnes peuvent se joindre à vous? Absolument. On a même on a un groupe Facebook hein, qui s'appelle Club de pistage de l'Université Laval. Donc, j'invite tout le monde à cogner à notre porte. Vous pouvez être admis dans le groupe. Puis là, on fait des annonces pour les sorties, puis etc. Par contre, on limite nos sorties aux bénévoles qui sont associés à l'Université Laval pour des raisons de sécurité, d'assurance tout ça. Là. On peut pas accepter le grand public. Mais n'empêche que si vous êtes du grand public non affilié à l'université, vous pouvez quand même vous joindre au groupe Facebook parce que il y a beaucoup de contenu intéressant. On met des photos, des choses comme ça. On fait des petits quiz d'identification, etc. Donc, c'est une invitation. Club de pistage de l'Université Laval sur Facebook. Alors, on va avoir retenu cette invitation au Club de pistage de l'Université Laval sur Facebook. Une autre façon de découvrir la forêt et peut-être de participer à la science citoyenne et peut-être aussi, on ne sait jamais, par hasard, de rencontrer des animaux. Oui, exactement. Alors, merci beaucoup, André Desrochers, pour cette découverte de ce programme à l'Université Laval. Donc, je rappelle que André Desrochers est professeur en écologie et en conservation à l'Université Laval.